Marie-Laure, Marie-Laure, je voudrais un petit cours de langue d'anglais. Anthony, Anthony, impossible, car nous ne sommes plus au lycée. Mais la vie n'est-elle pas un lycée à ciel ouvert? Nous apprenons tous chaque jour un peu de matière. Alors restons terre à terre et puis laisse-toi faire. Je t'interdis de dire que tu pourrais être ma mère. Marie-Laure, Marie-Laure, je voudrais un petit cours de langue d'anglais. Je ne peux point, car tu restes mon élève, donc tu n'auras pas mes lèvres. À vrai dire et sans mentir, il est question de réputation. Si je n'écoute pas ma raison, alors place à la tentation. Moi Brigitte et moi Macron. Marie-Laure, je voudrais un petit cours de langue d'anglais. Anthony, Anthony, impossible, car nous ne sommes plus au lycée. Oh, ces détails n'y pensons plus. Je ne suis pas Danny des rues. Je suis beaucoup plus sexy en cours de physique chimie. À présent, évidemment, tu restes très charmant et tu restes mon élève, donc tu n'auras pas mes lèvres.